détto, je ne suis dit tout mano, je ne suis pas français, mais j'ai son talamo, je ne comprends rien, mais je chante dans la rue pour les femmes et pas la fin, et je chante tout ce que j'ai vu.